de leur abri, se font du mouron. Voilà la nuit, la peur, la faim, tenaille les ventres, la folie vient hanter leur antre, les yeux sur rien, l'esprit vidé, l'arme à la main, l'obscurité, le ciel qui rage, lance ses éclairs, c'est pas l'orage, c'est juste l'enfer. Sous l'emprise du tourbillon qui électrise la ligne de front, attendre toujours l'heure d'un assaut, des nuits, des jours, que ça crache là-haut, y'a moins d'obus, on va sortir, il faut qu'on tue, pour pas mourir sous l'explosion, la terre éjecte, entiers ou non, les hommes, les bêtes. J'ai ouvert grand mes bras à cette putain de bonne guerre, on m'a dit, y'aura de quoi être respectable et fier, la mort est sous mes pas, elle est ma seule carrière. Quand on finira ça, je ne saurai plus quoi faire. J'ai pour cette fois encore perdu deux potes à moi, mais je continue, pas faire de rêve, pas réfléchir. Voilà la relève, manger, dormir, battre les cartes, fumer un peu, avant qu'on reparte en ligne de feu. Mais chez le lieutenant, convocation, ça faisait un an, ma permission. Je rentre au pays où on a le temps de se faire du souci. Pour le beau temps, calmes images, histoires vécues, vieux paysages, qui me connaissent plus, ceux qui m'entourent, veulent que je raconte notre grande bravoure, ils se rendent pas compte, j'entends leurs mots, peuvent pas comprendre, dans leurs journaux, ils veulent m'apprendre. J'ai ouvert grand mes bras à cette putain de bonne guerre, on m'a dit, y'aura de quoi être respectable et fier, la mort est sous mes pas, elle est ma seule carrière. Quand on finira ça, je ne saurai plus quoi faire. Mes vieux bouquins ne se laissent plus lire, ma chambre n'est qu'un trou à souvenirs. Je vais saluer quelques copains, on se compte sur les doigts d'une seule main. Un officier me fait la leçon, pas distillé, l'esprit du front. Rien ne m'attache à ce quotidien, mes rêves me lâchent, j'ai pas destin. J'ai ouvert grand mes bras à cette putain de bonne guerre. On m'a dit, y'aura de quoi être respectable et fier. La mort frais ne sont pas, les armes vont se taire. Pourquoi je suis encore là? J'ai le front dans la terre.